Donc je dois vous parler ce soir de l'armée, de la situation internationale de l'Autriche-Hongrie de 1908 à 1914. Et ça va me permettre non seulement d'être plus explicite sur les personnes qui ont représenté la France en Autriche, mais également de camper la situation d'il y a un siècle tout juste, 1912-2012. Donc, quelle est la situation de l'Autriche-Hongrie vue par les Français à la veille de la Première Guerre mondiale. 15 attachés militaires se succèdent de 1870 à 1914 auprès de l'ambassade de France à Vienne. Ces officiers rendent compte au ministre de la Guerre, en fait au service de renseignement français, au deuxième bureau, de l'état-major de l'armée, par le truchement de notes, de lettres très nombreuses dont ils ont l'initiative. À de rares occasions, c'est l'état-major à Paris qui pose une question à Vienne. Leur fonction, leur tropisme, bien naturel, les amène à s'intéresser particulièrement à l'armée austro-hongroise et surtout à l'armée de terre, mais pas seulement. Alors l'intérêt de leur point de vue et de présenter des textes inédits réside dans le fait qu'ils permettent de beaucoup mieux appréhender la vision de l'Autriche-Hongrie qui était transmise à Paris et qui peut expliquer d'un certain côté la réaction de la France au moment de la crise diplomatique de juillet 1914. Il est aussi intéressant de comparer ce qu'ils disent à l'aune de ce que nous savons aujourd'hui. Ont-ils envoyé de bons renseignements ou de mauvais renseignements à Paris ? Le fonds conservé au service historique de la défense à Vincennes est constitué de plusieurs milliers de documents. Pour vous faire une idée, certains attachés militaires écrivaient tous les jours à Paris. Donc ça représente 365 notes par an. Aussi, j'ai jugé qu'il était plus intéressant, plus pertinent de vous parler de la période 1908-1914, c'est-à-dire celle qui va de l'annexion de la Bosnie, qui enclenche un engrenage fatal en Europe, à juillet 1914. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui ne constitue qu'un florilège, surtout à l'oral, et les actes du colloque qui seront bien évidemment publiés seront beaucoup plus complets. Je vous parlerai de trois choses principalement dans le choix que j'ai fait. D'abord de l'Empire de François-Joseph, ensuite de la situation internationale et enfin de l'armée austro-hongroise qui est si particulière en Europe. Alors nos attachés militaires français vivent très bien en Autriche. Le pays est apprécié, certains restent 3 ans, mais quand ils le peuvent, ils prolongent. Un est resté 7 ans. Le charme, la qualité des paysages, des habitants, des coutumes plaisent beaucoup. Le rayonnement international aussi de l'Autriche à partir de 1900, le mouvement de la sécession, Klimt, Strauss est plus ancien, Freud, Schumpeter, l'Autriche a un énorme rayonnement et ça plaît aux attachés militaires qui sont particulièrement bien choisis. François-Joseph, à la fin de son règne, n'est plus du tout l'homme autoritaire, c'est un empereur tout à fait débonnaire, premier bureaucrate de l'Empire, vous le savez. La veille de sa mort, avec 40 de fièvre, il dit à son valet de chambre « Vous me réveillerez demain matin à 3h30 ». Toute sa vie, il s'est levé à 3h30 le matin. Donc, l'Empire est un empire d'ordre. Des lois et des décrets réglementent la vie quotidienne, mais avec beaucoup d'empirisme et de pragmatisme. Simplement, l'attaché militaire a bien vu les limites, puisque le commandant Giraudon nous dit « L'Autriche-Hongrie est la partie des atermoiements ». C'est-à-dire la procrastination, pourquoi faire aujourd'hui ce qu'on pourrait faire demain, des côtes mal taillées, des solutions boiteuses. Et je cite, « Le grand âge du souverain, chef suprême et absolu de l'armée, son énergie affaiblie, sont une raison de plus qui pousse à l'ajournement des difficultés. » Ça, ce sont des choses connues. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'écoutez bien, plusieurs centaines de notes concernent l'archiduc François Ferdinand. Il est parfaitement cerné dans sa personnalité, avec ses qualités et ses défauts. Ses défauts étant, je fais parler des attachés militaires, l'avarice et le fort caractère, c'est-à-dire le côté un petit peu caractériel, mais ils ont tout à fait décelé que c'est un personnage essentiel pour le renouvellement constitutionnel de l'Empire, organisationnel, j'oserais dire, de l'Empire, et également que c'est le rénovateur de l'armée austro-hongroise. De façon plus anecdotique, mais ça intéresse nos attachés militaires, il s'intéresse à son mariage, à son épouse morganatique et à toutes les manœuvres réelles ou supposées que François Ferdinand fait ou pourrait faire pour faire monter sa femme sur le trône, malgré les engagements qu'il a signés publiquement et même de façon humiliante. Pour régner, les attachés militaires soupçonnent François Ferdinand de vouloir engager une campagne militaire dont l'armée austro-hongroise sortirait vainqueur, ce qui ferait de lui futur empereur, quelqu'un ayant une autorité, une légitimité toute particulière qui lui permettrait de faire changer la loi pour que son épouse soit impératrice. Au demeurant, le mariage en 1911 de Charles, petit-neveu de l'empereur, mais second dans la succession au trône, est perçu comme une manœuvre de l'empereur pour contrer François Ferdinand. Je cite « Cet acte rend très difficile le coup d'État dynastique auquel François Ferdinand songeait certainement. Politiquement parlant, la chose est pourtant d'un certain intérêt. » Mais le lieutenant-colonel Allier, qui est notre attaché militaire, juge que tout ce qui peut affaiblir François Ferdinand est bon pour la France, parce que François Ferdinand est très proche de Guillaume II. Mais Allier n'a pas cerné le jeu subtil de l'archiduc, qui est beaucoup plus complexe et ambitieux que ce qu'il l'imagine, car, par exemple, lorsque le généralissime Konrad von Hötzendorf, dont je reparlerai dans quelques minutes, propose en 1911 d'attaquer la Serbie de façon préventive, François-Joseph et François Ferdinand ne le veulent pas, ce qui veut bien dire que François Ferdinand n'était pas le va-t-en-guerre qu'on a pu présenter. Alors, beaucoup de notes concernent aussi le problème hongrois. Et là, c'est assez intéressant parce que les attachés militaires successifs signalent, pour ne pas dire déplorent, l'attitude des Hongrois. C'est assez surprenant, mais alors que le problème hongrois donc d'équilibre dans la double monarchie se présente, nos attachés militaires trouvent vraiment que les Hongrois en font beaucoup trop et ils prennent parti pour l'Autriche. Dès 1908, le commandant Giraudon constate que bon gré mal gré, on s'achemine peu à peu à la transformation du système dualiste dans le sens voulu par les Hongrois. À moins d'une intervention énergique venant renverser le courant actuel, la séparation militaire s'opérera dans un avenir plus ou moins éloigné. Les Hongrois voulaient de tout temps avoir une armée presque indépendante. Et l'attaché militaire conclut, cette intervention énergique ne pourrait être que celle du souverain, impossible avec le vieux François-Joseph, elle ne serait nullement invraisemblable de la part de son successeur. Sous-entendu, très certainement, François Ferdinand mettra le haut là. L'attaché militaire observe que les problèmes que pose le dualisme et qui impliquent une négociation permanente entre Autrichiens et Hongrois, l'idée qui a déterminé l'empereur roi à accepter ce compromis, c'est que le suffrage universel, dont a parlé Madame Lauzun, le suffrage universel détruira en Hongrie l'hégémonie absolument injustifiée des Magyars. Simplement, on sait que si le suffrage universel a été promulgué en Autriche, en Cislétanie, à partir de 1906, les Magyars, jusqu'à 1918, refuseront le suffrage universel et toutes les tentatives échoueront. L'armée commune, l'armée austro-hongroise, ne participe pas aux querelles entre Autrichiens et Hongrois. Simplement, la grande majorité des officiers qui ne sont pas hongrois ne sont pas très satisfaits des Hongrois. Alors, la raison essentielle, c'est que le Parlement de Budapest refuse d'augmenter les soldes. Donc, pour des militaires, ce sont toujours des choses peu appréciées. Et les attachés militaires écrivent que le régime est bancal et que, visiblement, ce système dualiste devrait être réformé, qu'il ne tiendra pas très longtemps. Après vous avoir donc présenté quelques éléments sur l'empire de François-Joseph, vu par les attachés militaires, je voudrais vous parler de la situation internationale sous deux ou trois aspects simplement. Un Larousse n'y suffirait pas. Les tensions internationales donc proviennent essentiellement des Balkans, de l'Orient, comme a dit le professeur Bled, et principalement de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, où les Russes se sont sentis humiliés, mais n'ont pas pu réagir parce qu'ils venaient de perdre la guerre contre le Japon et que leur armée n'était pas en état d'intervenir pour soutenir les Serbes. L'attaché militaire nous dit que la Bosnie-Herzégovine reste une région troublée. La conquête a été pénible il y a juste 30 ans. À l'heure présente, elle n'est pacifiée qu'en apparence. L'antipathie des Serbes s'est fortement accentuée depuis 3 ans à la suite des dissensions survenues entre Vienne et Belgrade. À l'heure actuelle, c'est en 1908, les Serbes reçoivent des subsides et des agitateurs viennent de Serbie. Ils sont en pleine effervescence et font cause commune avec les musulmans. Cependant, la situation évolue. François-Joseph prend le risque d'une visite en Bosnie-Herzégovine et l'attaché militaire rend compte à Paris. J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'entreprise audacieuse, mais incontestablement très habile, consistant à faire effectuer à l'empereur d'Autriche-Hongrie, âgé de 80 ans, un voyage en Bosnie-Herzégovine, a été couronnée d'un succès dépassant toutes les espérances. Sa Majesté a parfaitement résisté aux chaleurs torrides, etc. Les populations manifestaient partout sur son passage le plus chaleureux enthousiasme, et grâce à son tact personnel, il a su, en disant un mot aimable à chacun, gagner le cœur de ceux qui lui avaient été jusqu'alors les plus grands ennemis de l'annexion. L'amnistie des délinquants politiques, et en particulier des conspirateurs serbes, a provoqué dans tout le pays une profonde gratitude. Plus généralement, nos attachés militaires abordent les relations avec tous les voisins. Des dissensions sont observées dans le couple germano-allemand, mais le lieutenant-colonel Allier indique à Paris que, selon toute vraisemblance, l'alliance austro-germanique subsistera, malgré les dissensions, parce que l'Autriche ne peut se tourner vers personne d'autre. Et il a cette phrase merveilleuse. Il nous dit, je cite, « Si l'Autriche était un peuple ayant le sentiment national, elle pourrait être blessée dans son amour-propre par rapport aux Allemands. » Ça, c'est moi qui le dis. « Mais l'Autriche est une administration. Les administrés ne voient dans les affronts subis par les Allemands qu'une mortification atteignant les administrateurs. Il est bien difficile à la politique française de donner à l'Autriche des marques effectives d'amitié tant que les relations de celle-ci et de la Russie seront tendues comme elles le sont. » Et il écrit cette phrase magnifique, « L'Autriche est trop ennemie des amis de la France et malgré des atténuations incontestables, trop amie de ses ennemis. » Alors ce qui est certain, c'est que la Russie fait très peur aux Autrichiens. La Russie fait très peur aux Autrichiens grâce aux emprunts russes qui seront parfaitement remboursés, comme vous le savez. La Russie a construit des voies ferrées qui se dirigent en particulier vers le front et donc qui permettront de mobiliser de plus en plus rapidement au fur et à mesure que les années coulent. Ces dispositions militaires inquiètent fortement l'état-major, le gouvernement et les journaux qui n'hésitent pas à publier les efforts faits par le Grand Empire. Là, l'effort donné par l'Autriche pendant la crise balkanique, puisque 1912, première guerre balkanique, 1913, deuxième guerre balkanique, l'Autriche n'a pas participé. Elle a laissé la Bulgarie, la Grèce, la Serbie, la Turquie s'entrégorger, si vous me permettez l'expression. Elle n'a pas participé, mais elle a mobilisé aux frontières. Et elle a vu d'ailleurs les déficiences de son système de mobilisation. Mais ça lui a coûté cher. Pendant que les réservistes étaient sur la frontière, ils n'étaient pas au champ, ils n'étaient pas dans l'industrie. Elle a très peur, elle se rend compte qu'elle ne sera pas en mesure d'affronter la Russie. Je vous rappelle à l'époque, l'Autriche-Hongrie, 59 millions d'habitants, la Russie, 150 millions. Et à l'époque, les hommes comptaient plus que le matériel, jusqu'au début de la guerre de 14. C'est la guerre de 14, entre autres, qui a changé cette prise de conscience. Le colonel Allier voit clair dans les dangers qui menacent la double monarchie, mais comme beaucoup, il se trompe dans les capacités de l'Autriche-Hongrie à durer. Et voilà un point important. L'analyse qui est faite à Paris de tous les rapports qui lui arrivent, la situation et les analyses sont les mêmes à Londres, fait que les gouvernants de l'entente pensent que l'armée autrichienne, qui est aussi vue comme une armée d'opérette, et c'était le cas 10 ans auparavant, mais je vais vous en reparler, elle n'est plus armée d'opérette, ils pensent que l'armée va s'effondrer. Donc en 1914, quand on va déclarer la guerre, les gouvernements, les états-majors se disent en quelques semaines, quelques mois, l'Autriche va succomber et l'Allemagne sera ensuite à notre merci. Donc voilà, après avoir fait ce focus un petit peu sur la Russie, je passe à ma troisième partie, donc l'armée austro-hongroise. L'armée austro-hongroise, plus exactement l'armée impériale et l'armée royale et impériale, est un des piliers principaux de l'Empire avec l'administration et l'Église. Sa mission consiste, je cite, à faire servir les qualités de chaque peuple au bien du grand ensemble. Donc chaque peuple doit servir l'Empire. Les officiers prêtent un serment qui n'est pas simplement quelque chose que l'on fait par-dessus la jambe, mais qui est appliqué strictement. Ils obéissent à l'empereur directement en tout ce qu'il leur commandera. Et peut-être me poserez-vous des questions là-dessus. L'empereur Charles aura le tort, à mon avis, de relever les officiers de leur serment 15 jours avant la fin de la guerre, et ça constituera un délitement complet, une des causes aussi l'Empire aurait chuté, mais une des causes de l'accélération de la défaite. Alors, à propos de cette armée, traditionnellement, chaque début d'année, l'attaché militaire adresse un important rapport de 10, 20, 30, 50 pages au service de renseignement à Paris sur l'état de l'armée au 1er janvier. Et dans ces rapports, donc, qui se succèdent de 1870 à 1914, on voit bien que ce qui a tout changé, le basculement, c'est l'année 1909, durant laquelle le budget a été extrêmement fortement augmenté, sous l'impulsion de Conrad, donc le généralissime, et de François Ferdinand. François Ferdinand qui fait un effort sur l'armée de terre et sur la marine, puisqu'il va demander la construction de 4 gros cuirassés qui seront basés notamment à Pola dans l'Adriatique. Alors, nos attachés militaires savent tout, parce que en Autriche, qui est un pays éminemment sympathique, les portes de l'état-major leur sont ouvertes, ils se promènent dans les bureaux, les généraux ne cachent rien, ils expliquent à Paris pourquoi un général a été nommé, pas un autre, pourquoi on a adopté un nouveau fusil. Si je vous dis ça, si vous voulez, c'est que ce n'est pas du tout la même chose, ni à Berlin, mais même à Saint-Pétersbourg. Hein, les Russes sont beaucoup plus fermés dans les renseignements ouverts qu'ils donnent. Les Autrichiens, et vous le verrez jusqu'au mois de juillet 14, jusqu'au mois d'août, pardon, 14, ouvrent beaucoup leurs renseignements, ce qui fait qu'on sait tout sur l'armée austro-hongroise. Alors, un rapport donc, de 1909 nous dit que l'armée a fait... Les progrès réalisés au cours de l'année sont si nombreux que l'énumération seule en est déjà longue, et moi j'ai lu tout le rapport, c'est dans tous les domaines il y a des améliorations. Hein, le seul point faible relevé a trait aux tensions persistantes entre Autrichiens et Hongrois. L'animosité qui existe entre les deux nations, je cite, n'est-elle pas susceptible d'amener une dislocation, une dissociation de l'armée austro-hongroise? En un mot, peut-on compter sur la fidélité de la Honved, donc une partie de l'armée hongroise, ou des officiers hongrois? Mais s'il pose la question, l'attaché militaire répond oui. Oui, je suis sûr qu'en cas de conflit, les Hongrois se ressouderont à l'armée autrichienne et combattront vaillamment. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'était bien vu. Alors les années suivantes, l'armée perfectionne son organisation, ses armements. La course aux armements continue. Alors quand je vous parle de course aux armements, ce sont des budgets qui augmentent de 20-30% par an. Et il n'y a quasiment pas d'inflation. Donc vous imaginez, le budget de la marine a augmenté de 260%. Donc ce sont des chiffres colossaux. Hein. 6 mois avant le déclenchement de la Grande Guerre, l'attaché militaire français constate que si des améliorations sont bien visibles dans l'armée austro-hongroise, elles sont quand même sans commune mesure avec ce que l'on observe notamment à Berlin et à Paris. L'armée a fait de gros progrès au niveau de l'armée de terre, au niveau de la marine, en revanche, très très peu au niveau aéronautique. Et l'Autriche-Hongrie sera la nation qui commencera la guerre de 14 avec le moins d'avions. Donc après vous avoir présenté cette situation en Autriche-Hongrie, la situation internationale et l'armée, je vais vous dire un petit peu en synthèse ce que je pense. Les officiers français qui se succèdent à Vienne apprécient tous le pays dans lequel ils servent. Ils adressent des rapports très précis à leurs ministres, en fait au service de renseignement français. Lorsqu'on fait le bilan de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont écrit, on peut estimer aujourd'hui que 90% de leurs analyses sont bonnes, sont justes. Ils voient clair. Beaucoup de leurs analyses font encore consensus aujourd'hui. Les renseignements transmis étaient donc généralement fiables, ni surévalués, ni sous-évalués, ni amoindris, ni biaisés. On constate peu d'inflexion entre 1908 et 1914. C'est une période de réarmement. Il faut toutefois relever une omission. En dehors des problèmes entre Autrichiens et Hongrois, les attachés militaires français n'abordent que très très peu le problème des nationalités. C'est-à-dire qu'ils n'expriment pas du tout le fait que les Tchèques pourraient vouloir faire sécession, que les Serbes de l'Empire posent des problèmes, que les Roumains ou Hongrois de Transylvanie sont en conflit. Pour eux, tout cela, ce sont des événements qui se résoudront et ils pensent que effectivement le compromis de 1867 devra évoluer dans sa lettre comme dans son esprit, mais que ces problèmes sont résolvables. Et au demeurant, on peut penser qu'ils voyaient juste et que c'est évidemment la guerre qui a exacerbé le problème des nationalités, exacerbé avec un appui très fort des subsides des alliés, hein, qui ont tout fait pour diviser l'Empire. Hein. Donc le mouvement des nationalités, on peut estimer, était sous contrôle en 1914. Enfin, et c'est quelque chose de tout à fait amusant et unique, la guerre donc franco-allemande est déclarée le 3 août 1914, un petit peu plus tard à l'Autriche, mais le lieutenant-colonel allié ne quitte son poste que le 10 août. Je peux vous dire qu'à Berlin, le 2 août, l'attaché militaire était mis dans un wagon et est rentré en France. En Autriche, l'attaché militaire quitte le 10 août et il va renseigner l'état-major jusqu'au 10 août. Il va notamment envoyer ses dernières dépêches qui indiquent qu'un corps d'armée autrichien est susceptible d'être envoyé en Alsace et que les Austro-Hongrois craignent, ils avaient bien raison, que les Italiens, malgré l'alliance officielle, ne s'engagent contre eux. Donc cette ouverture est encore une dernière preuve de la magnanimité des Austro-Hongrois. Je vous remercie.